إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est une heureuse occasion de pouvoir se réunir cette nuit la nuit du jeudi 6 juillet 2017 dans cette chaîne ou dans cette radio bénie de Mirath al-Anbiya. Je demande à Allah Azza wa Jal de récompenser les créateurs de cette radio bénie et ceux qui étaient derrière l'idée de cette radio très bénéfique et très profitable, ainsi que tous ceux qui la gèrent et qui veillent sur son bon fonctionnement. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de ce séminaire, le premier qui a été intitulé le séminaire de l'imam Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans lequel plusieurs livres seront traduits, des livres de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, avec les précieux commentaires de l'imam revivicateur de la religion de l'islam de notre époque, l'imam Cheikh l'Islam Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et l'épître qui m'a été confié, c'est celui de Thalathatul Usuli wa Adillatuha de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, مع تعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. Dans cette première séance, inshallah, nous allons faire 6 séances pour finir ce matin très précieux et très fondamental pour tout musulman et non seulement pour talib al-ilm, comme nous allons le voir dans ce qui va suivre. La première séance, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons la consacrer à un aperçu global sur les trois fondements. Nous allons essayer de voir cette risala de plusieurs points de vue. Et ceci est fondamental avant l'étude de chaque matn, chaque épître de science, de connaître plusieurs points relatifs à ce matn. Nous allons en voir plusieurs, bi'idhnillahi ta'ala, et également nous allons voir l'intérêt de chaque point. Le premier point, c'est brièvement Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur de cet épître. C'est le grand imam محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي de la tribu de Banu Tamim, qui est né en l'an 1115 de l'Égir. Il est né dans l'Uyéna, une ville de la région de Najd, dans la péninsule arabique. Cet imam est très connu pour sa da'wa et pour ses efforts dans la revivification de la religion de l'islam dans la douzième moitié du douzième siècle de l'Égir. Il est décédé, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui accorde les degrés les plus élevés du paradis. Il est décédé en l'an 1206 de l'Égir, c'est-à-dire en ayant un âge de 91 ans, rahimahullah. Donc il a vécu une longue vie qu'il a passée dans le tawhid, la demande de science, la propagation de la science et en particulier la science de tawhid. Al-Risala de Thalathat al-Usul. Le premier point, ou à fois le deuxième point, le titre de cette risala. À cette risala, il a été donné plusieurs noms. Parmi ces noms-là, et parmi les titres qui lui ont été donnés, « Thalathatul usuli wa adillatuha ». Et c'est le plus connu. Le deuxième, al-usul al-thalathatu wa adillatuha. Et ça a été appelé également talqin usul al-aqidati lil-amma. L'apprentissage ou l'enseignement des règles et des bases de la croyance au commun des gens. Au commun des gens et des musulmans. Ça a été appelé également Mabadi'ul Islam, les bases de l'islam. Et d'autres appellations également lui ont été données. Mais la plupart des hommes de science disent que le nom le plus juste qui lui a été donné par l'auteur lui-même, c'est le premier, c'est-à-dire Thalathatul usuli wa adillatuha. Et c'est ce nom-là qui lui a été donné par Cheikh Al-Allama Abdurrahman bin Qasim dans son Hashiya, qu'il a intitulé Hashiyatu Thalathatil Usul. Et également Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymi, rahimahullah, son explication, il l'a intitulé Sharhu Thalathatil Usul, l'explication des Thalathat al-Usul. Donc également, il est important de savoir le contexte dans lequel cette risala a été écrite et les raisons pour lesquelles ça a été écrit. Dans certaines copies de cette risala, comme nous allons voir, cette risala a plusieurs copies. Dans certaines copies, il a été marqué que l'émir Abdelaziz bin Mohammed bin Saoud a demandé à l'auteur, rahimahullah, Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, d'écrire une risala concise dans les fondements de la religion, dans les bases de la religion, c'est-à-dire dans l'aqida, le dogme. Et il a écrit cette risala. Il l'a envoyé à cet émir, qui l'a propagé partout et qui l'a ordonné aux gens de d'apprendre cette risala. Également, cette risala s'est beaucoup propagée. Et les gens se sont adonnés à sa mémorisation et sa compréhension. Et les hommes de science n'ont cessé de l'expliquer, comme nous allons voir plusieurs fois. Et certains parmi les hommes de science l'expliquaient tous les jours. C'était, à titre d'exemple, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, qui est le Cheikh de Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Le mufti de l'Arabie Saoudite avant lui, il l'expliquait tous les jours. Tous les jours, il demandait aux élèves de lui lire cette risala et il la commentait. C'est comme ça que ça a été rapporté de lui. Également, pour son importance, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même, il l'enseignait à ses étudiants et même au commun des gens, au commun des musulmans, il leur demandait de la mémoriser et il leur expliquait cette risala. Car c'est une règle fondamentale dans l'aqida. Également, pour l'importance de cette risala, certains parmi les hommes de science, ils demandaient au gouverneur d'imposer aux gens d'apprendre cette risala. Et demandaient aux hommes de science de leur expliquer cette risala. À titre d'exemple, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, le petit-fils de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, l'auteur de Fath al-Majid, explication de Kitab al-Tawhid. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme vous le savez, il l'a expliqué à maintes reprises. Rien que ce qui est enregistré de son explication de cette risala, vous trouvez plusieurs enregistrements, alors qu'il y en a beaucoup plus qui n'ont pas été enregistrés. Et ça, c'est la pratique des hommes de science, d'accorder beaucoup d'importance aux livres de l'aqida et de tawhid, et en particulier les livres pour débutants, et qui sont profitables même pour le commun des musulmans. Donc l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'époque dans laquelle il a vécu, c'était une époque où shirk a dominé, au point où les prêcheurs dans le khotab de Jumu'ah, il appelait les gens au shirk. Il appelait les gens clairement au shirk. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui sont encore constatées dans plusieurs pays de l'islam. Dans plusieurs pays de l'islam, où Tawhid est ignoré par la plupart des gens. Et l'awam, il tombe dans le shirk sans se rendre compte, à cause de l'ignorance. C'est pour ça que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a fait cette risala dans un style très simple, à la portée du talib al-ilm, débutant, et encore même à celui qui fait partie de l'awam, qui n'est même pas dans talib al-ilm. Il peut comprendre l'aqida à travers cette risala. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab lui-même, il a résumé, il a simplifié encore cette risala dans une autre risala qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha. Celle-là, elle s'appelle Al-Usul al-Thalatha sous forme de question-réponse. Il lui dit Marrabbuk et il lui donne la réponse. Madinuk, il lui donne la réponse. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous trouvez dans certaines copies de cette risala, vous trouvez que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il utilise des termes de l'ammiya. Par exemple, il dit ish. L'ammiya de ce pays. Et ça, ça se comprend facilement si on voit le public auquel s'adresse cette risala. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, de manière générale, et on va l'appliquer à Thalathat al-Usul, c'est de connaître et d'arriver à distinguer les niveaux de mutun, de science, les épîtres de science, du point de vue de leur sujet. Du point de vue de leur sujet. Vous avez des mutun dans le domaine de l'aqida. Vous avez des mutun dans le domaine de l'hadith. Vous avez des mutun dans le domaine de l'fiqh. Et également, ça peut être dans ulum al-ala, les sciences, ce qu'on appelle les sciences auxiliaires, ou les outils, comme al-nahw, usul al-fiqh, mustalah al-hadith, ainsi de suite. Donc il faut qu'on distingue les mutun, déjà par rapport à leur sujet. Ça concerne quelle science? Et dans la même science, on va trouver qu'il y a des caractéristiques de chaque matn par rapport aux autres dans la même science. Si on prend un exemple de la science du hadith, par exemple, vous avez l'ordre connu par, et recommandé par les hommes de science, c'est d'étudier Al-Arba'un al-Nawawiyya, ensuite Umdat al-Ahkam, ensuite Bulugh al-Maram, ensuite Muntaqa al-Akhbar. Donc, si on regarde du point de vue du sujet, on va trouver que l'Arba'un al-Nawawiyya, il n'a pas le même sujet que les trois derniers. Les trois derniers, leur sujet, c'est Ahadith al-Ahkam, les Ahadith du prophète alayhi salam, dans lesquels il y a des Ahkam, qui concernent Tahara, qui concernent Salat, qui concernent l'Adhan, et ainsi de suite. Par contre, l'Arba'un al-Nawawiyya, ce sont des Ahadith fondamentaux. Ahadith alayha madar al-islam. Et des ahadith dont la compréhension permet de comprendre la plupart des ahadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Car ce sont des hadith jawami' vers lesquels reviennent tous les autres hadith fondamentaux dans les ahadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Et c'est comme c'est comme des usul pour les autres ahadith, origine pour les autres ahadith. C'est pour ça que les hommes de science ont dit que celui qui comprend l'Arba'un al-Nawawiyya bien, une bonne compréhension, il sera aidé et facilité dans la compréhension des autres ahadith. Si on regarde d'un autre point de vue, on va trouver que Umdat al-Ahkam, il se distingue par le fait que il s'est limité à des ahadith, certes dans l'Ahkam, mais tiré uniquement des deux authentiques. Contrairement à Bulugh al-Maram, qui s'est élargi beaucoup plus. Et également Muntaqa al-Akhbar. Si on regarde le public concerné par le matn, par l'épître, on va trouver, par exemple, que Al-Hafidh ibn Hajar, dans Bulugh al-Maram, il a visé les tullab ilm. Il a visé par Bulugh al-Maram, tullab ilm. Par contre, on va trouver que le Majd ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Muntaqa al-Akhbar, il a visé les hommes de science. Il n'a pas visé tullab ilm. Donc son livre, il l'a fait pour les savants. Et si on prend un autre exemple qui concerne directement notre sujet, à savoir l'aqida, Par exemple, Kitab Tawhid et l'Aqid al-Wasitiya. Kitab Tawhid de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. L'Aqid al-Wasitiya de Cheikh l'Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, rahimahullah. On va trouver que du point de vue du sujet, ils n'ont pas le même sujet. Alors que les deux concernent l'Aqidah. On va trouver que Kitab Tawhid, il est axé principalement sur Tawhid l'Ilahiyya, sur l'unicité de l'adoration et l'unicité de la divinité, et ce qui l'annule ou ce qui contredit l'unicité à la base, à savoir le shirk majeur, ou ce qui la diminue de son degré obligatoire, à savoir le shirk mineur, ou ce qui la diminue de son degré recommandé, comme les péchés. Ce qui la diminue de son degré obligatoire, comme shirk mineur, et les grands péchés, les péchés, les innovations. Est-ce qu'il a diminué de son degré recommandé? Par contre, l'aqid al-wasitiyya, on va trouver que le sujet, comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans, au tout début de cette risala, il a dit que il va donner la croyance des gens de la sunna et du consensus dans laquelle ils se sont distingués des gens de l'innovation et de l'égarement. Et c'est pour ça que lui-même dans Majmou' al-Fatawa, il a dit qu'il n'y a pas un point qu'il a cité dans l'Aqid al-Wasitiyya sans que tu trouves sur ce sujet-là, sur ce point-là, des sectes qui se sont égarées de ce juste milieu, que ce soit avec laxisme ou exagération. Donc ensuite, en quatrième point, nous allons prendre quelques points concernant thalathatul usuli wa adillatuha. Le premier point, le nom de Risala, on a vu que comme il l'a dit Cheikh Abdrahman Gassem, et comme Cheikh Ibn Uthaymeen a appelé sa risala, son sharh, Thalathatul Usulu, Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Le sujet de risala. Le sujet de Thalathatul Usul, هو تقرير توحيد الألوهية وتعليم مهمات الدين. Donc, le sujet qui a été visé par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab à travers cette risala, c'est d'enseigner l'unicité d'Allah dans la divinité et d'enseigner les choses importantes de la religion, les choses capitales de la religion. Donc à travers cette risala, il cherche à nous enseigner, à nous apprendre tout d'abord Tawhid al-Uluhiyya, avec d'autres points qui sont dans la connaissance et fondamentale dans la religion de l'islam. C'est pour ça que vous trouvez que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a parlé des trois fondements, ce qu'il a appelé les trois fondements, à savoir la connaissance du serviteur de son Seigneur, et de sa religion et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Il a fait de ces trois fondements un moyen d'affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la divinité. Dans le premier fondement, il a parlé du Seigneur. Il a dit le Seigneur, وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ. Le Seigneur, c'est l'adoré. C'est-à-dire que toute l'adoration doit être vouée exclusivement et uniquement à Allah Azza wa Jal et à personne d'autre en dehors de lui. Et que celui qui voue quelque chose de son adoration à autre qu'Allah, il est tombé dans le shirk. Dans le deuxième fondement, il nous a expliqué ce que c'est l'islam. Et que l'islam en réalité c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah dans la divinité. Il a dit al-islam wa al-istislam lillah bit-tawhid wa l'inqiyad lahu bit-ta'a wa al-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Ou في بعض النسخ والبراءه من الشرك واهله. Donc il a dit l'islam c'est quoi? C'est d'adorer Allah avec tawhid et de se soumettre à lui avec l'obéissance et de désavouer l'associationnisme et les associateurs et de désavouer le polythéisme et les polythéistes. Donc ça c'est l'islam. C'est quoi? Donc l'islam c'est quoi en réalité? C'est at-tawhid. Et en expliquant l'islam, il a parlé de la parole « La ilaha illallah » et il l'a expliqué, il l'a détaillé. Donc, l'islam en réalité, c'est quoi? La réalité de l'islam, c'est la parole « La ilaha illallah ». Et dans le troisième fondement, également, quand il a parlé du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas parlé du prophète alayhi salatu wassalam de tout point de vue. Mais il a parlé de lui, de manière à mettre en évidence l'unicité d'Allah dans la divinité et le devoir de l'unifier avec toutes nos adorations. C'est pour ça qu'il a dit, dans ce troisième fondement, il a dit qu'il n'y a pas un bien sans que notre prophète alayhi salatu wassalam l'ait indiqué à sa communauté. Et il n'y a pas un mal sans qu'il ait mis en garde contre ce mal. Et le bien qu'il a montré à sa communauté, qu'il a indiqué à sa communauté, c'est Tawhid, ainsi que tout ce que Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il l'a mis en garde, c'est le shirk, ainsi que tout ce que Allah déteste. Donc ça c'est par rapport au sujet de Risala. Et l'importance de connaître le sujet de Risala, ça a plusieurs intérêts. Parmi ces intérêts et ces fawaïd, c'est que ça aide à la bonne compréhension. Si tu sais quel est le sujet abordé dans cette Risala par l'auteur, ça t'aidera à mieux comprendre. Et également à savoir d'une manière claire l'objectif de l'auteur par chaque argument, chaque parole qu'il cite dans le Risala. Et également, ça te donne une faïda précieuse qui est de relier les différentes informations que tu apprends dans cette Risala. Car tout ce qui est dans cette Risala, il est utilisé pour atteindre l'objectif et le but pour lequel elle a été écrite. Donc là, de cette manière, tu pourras voir la relation et le lien entre chaque point et le point suivant. Et ça, c'est important dans tous les livres qu'on étudie, de pouvoir savoir pourquoi il a cité ce point ici, en particulier. Et pourquoi de ce chapitre il est passé à un autre chapitre, ou de ce fondement il est passé à un autre fondement, et quel est le lien entre le premier et le deuxième. Donc tout ça, c'est des choses qu'on arrive à comprendre d'une manière claire quand on sait le sujet de Risala. Nous allons voir un exemple concret. Donc on a vu que le sujet de Thalathat al-Usul, c'est d'enseigner l'unicité d'Allah dans la divinité et d'enseigner les choses fondamentales de la religion. Donc si c'est cela, pourquoi il a fait le premier fondement? Il a dit la connaissance du serviteur de son seigneur. Ou d'une autre manière, quelle est la relation entre le premier fondement et le sujet de Risala? La réponse, tout simplement, c'est que les gens auxquels s'est adressé Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab dans cette Risala, ce sont des gens qui reconnaissent et qui affirment l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils n'avaient pas de problème avec l'unicité d'Allah dans la royauté et dans la seigneurie. Ils reconnaissaient Allah comme unique seigneur, unique créateur, unique pourvoyeur, unique gestionnaire de tout son royaume. Mais il lui donnait des associés dans l'adoration. C'est pour ça qu'il a commencé par le point sur lequel ils sont d'accord pour les ramener à reconnaître l'unicité d'Allah dans la divinité et dans l'adoration. C'est pour ça qu'il a dit, il a rapporté la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, dans laquelle il a dit, par rapport au verset, « والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة » Le créateur de toutes ces choses, c'est lui qui mérite l'adoration. Et dans une autre copie de cette risala, il a dit, si tu reconnais l'unicité de la Seigneurie, alors regarde ce que qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Et si on prend un autre exemple du deuxième fondement, il a dit, al-aslu thani, ma'rifatul abdi dinah. Donc il a expliqué ce que c'est la religion de l'islam. Il a dit « وَلِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ » Et dans cette définition, on voit clairement ce que c'est la vérité de l'islam. Et la réalité de l'islam, ce n'est pas autre chose que l'unicité d'Allah dans la divinité. Donc ça, c'est pour vous montrer d'une manière claire l'intérêt de savoir le sujet qui sera traité par n'importe quel livre de science avant de commencer à l'étudier. Également parmi les intérêts de cette méthodologie, également, c'est que tu sais ce que tu vas apprendre dans ce livre. Et quels sont les autres points que tu n'auras pas appris dans ce livre et que tu dois combler par un autre livre complémentaire à ce livre-là. Ce n'est pas parce que tu as étudié Thalathat al-Usul que tu as étudié l'Aqida de A à Z. Et ce n'est pas parce que tu as étudié l'Ouassetia non plus que tu as étudié toute l'Aqida. Mais qu'est-ce que tu as étudié de l'Aqida dans l'Ouassetia? Qu'est-ce que tu as étudié de l'Aqida dans Kitab al-Tawhid? Et ainsi de suite. Le point suivant, je pense que ça doit être le quatrième ou le cinquième, c'est de savoir quel est le public visé par Risala. Est-ce que l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, il a visé les savants comme l'imam Al-Majd ibn Taymiyyah, ou est-ce qu'il a visé Tullab al-Ilm comme Al-Hafidh ibn Hajar? Le public visé par Risala, c'est Al-Awam, dans un premier temps. Tout d'abord, le public visé, c'est Al-Awam. Ce qui le démontre, que cette risala, elle a été intitulée dans l'ensemble des ouvrages de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, elle a été intitulée Talqin usul al-aqidati lil-amma, comme on l'a vu, ça a été intitulé l'enseignement des bases de la croyance au commun des gens. Également, parmi les choses qui démontrent que ceux qui sont visés, c'est l'awam, c'est qu'il a utilisé des mots avec l'ammiya dans sa trisala. Quand il a dit إِذَا قِيلَ لَكَ إِيش رَبُّكَ أو عفوا إِذَا قِيلَ لَكَ إِيش دِينُكَ إِذَا قِيلَ لَكَ إِيش كَذَا. Donc إِيش, qu'est-ce que c'est un mot ammiya. Donc tout ça, c'est des points qui démontrent que cette risala, le public visé, tout d'abord par risala, ce sont l'awam. Mais il y a pas de mal à ce que tolab l'ilm l'étudie également, car elle est très bénéfique et profitable. Et c'est pour ça l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il l'enseignait à la fois aux awam, et il ordonnait qu'elle soit enseignée dans les mosquées par les imams des mosquées, mais il l'enseignait lui-même également à ses élèves. Il l'a commenté, il l'expliquait à ses élèves également. L'intérêt de savoir le public visé par le livre que tu es en train d'étudier, c'est de rester dans l'objectif de l'auteur. L'auteur a visé Al-Awam, faut pas l'expliquer comme si tu l'expliquais à des savants. Donc ça, c'est l'intérêt de savoir le public visé. Pour finir, nous allons voir 5 points. En dernier point, nous allons voir 5 points importants, toujours en lien avec Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Le premier point, c'est de savoir qu'il y a plusieurs copies de cette risala. Et la raison pour laquelle il y a plusieurs copies, il y a des frères, des fois ils disent on a trouvé une copie, c'est marqué comme ça. Et dans l'autre, c'est pas marqué comme ça. Dans celle-là, il y a le verset est cité en entier. Dans l'autre, une partie, il dit « Al-Aya ». Ainsi de suite. Des points comme ça, de différence entre une copie et une autre. De manière globale, vous constatez que ces différences ne changent jamais le sens. Mais la raison pour laquelle il y a différentes copies de cette risala, c'est que l'auteur, rahimahullah, a écrit cette risala plusieurs fois. À chaque fois qu'il a vu le besoin, il l'a réécrit et il l'a propagé. Et c'est pour ça que vous trouvez des fois, il ne cite pas le verset en entier, des fois il le cite en entier, des fois il y a des mots en plus, des mots en moins, des petites nuances entre les copies, mais de manière générale, ça ne change jamais le sens. Le deuxième point, c'est de connaître la méthodologie qui a été suivie par l'auteur dans sa risala. La méthodologie qui a été suivie par l'auteur, rahimahullah, dans cette risala. On trouve que la méthodologie qui a été suivie est la même dans tous les ouvrages de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, basé sur l'acquisition de la science et de la compréhension à travers les arguments du livre d'Allah et de la sunna de son prophète et des paroles de nos pieux prédécesseurs. Et dans ses ouvrages, à l'imam Mohammed Abdelhab, vous constatez qu'il ramène les versets, les hadiths et les paroles de salaf. C'est rare où vous trouvez qu'il va citer une parole à lui, rahimahullah. Et ça, c'est la méthodologie de Ahl-Sunnah al-Jama'a, de manière générale. Et c'est pour ça que dans cette risale concise, de quelques pages, vous trouvez déjà qu'il a cité 60 dalils du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Les textes qui ont été cités, il en a cité 60. Et il a cité également 6. Il a cité les paroles de 6 parmi les hommes de science. Il a cité la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans l'explication de Illa li abudun, illa li wahidun, même s'il n'a pas, il l'a pas nommé, mais c'est la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il a cité l'imam Shafi'i, il a cité la parole de l'imam al-Bukhari, il a cité la parole de l'imam al-Baghawi, il a cité la parole de l'imam ibn Kathir, et il a cité la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans la définition de Tarut. Donc vous trouvez que dans cette risala concise, le nombre de textes qui sont cités. Ça vous montre la méthodologie de cet imam et de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est qu'il se base sur Dalil, du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de Salaf. Et ça, c'est une démonstration pratique de l'manhaj salafi. C'est une démonstration pratique de l'manhaj salafi. Et que ce ne sont pas que des paroles. Et revenez à des livres, des gens de l'innovation, une façon de parler, bien évidemment, mais personne ne doit revenir au livre des gens de l'innovation, sauf les savants. Mais si on revient au livre des gens de l'innovation, on trouve que c'est rare où ils vont citer des dalils. Les dalils que nous considérons comme dalils. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salam, ainsi que les paroles de Salaf. Vous allez trouver qu'ils citent beaucoup leurs propres paroles à eux. Et quand ils citent des dalils, c'est des dalils qu'ils appellent les dalils des dalils rationnels, les dalils de la raison. Alors qu'en réalité, ce sont les dalils de l'ignorance. Alhamdulillah qui nous a guidés dans la sunna et dans la salafia, qui n'est autre chose que l'islam pur et authentique, pur et purifié de toute forme de shirk et de toute forme de bid'a. Également, en troisième point, avant de commencer l'étude d'un livre comme celui-là, comme Thalathat al-Usul, un livre qui traite un sujet, le sujet le plus fondamental et qui est le sujet le plus fondamental dans la religion de l'islam, à savoir l'aqida, le tawhid. Faut avoir ceci à l'esprit avant d'étudier ce livre, afin de lui accorder l'importance qu'il mérite et de lui accorder toute notre attention et de ne pas le minimiser en regardant la taille ou le volume de ce livre. Car ce livre, il traite la pulpe avec laquelle sont venus tous les prophètes et messagers. La pulpe d'avec quoi sont venus tous les prophètes et messagers. Et la base commune entre tous les prophètes et messagers, depuis leur premier Adam alayhi salam jusqu'à le dernier Muhammad sallallahu alayhi salam, sont tous d'accord sur cette base qui est Tawhid. Une mise en garde, en point suivant, une mise en garde concernant certains hizbiyyin et égarés qui font croire aux gens qui suivent la sunna et la salafia, alors que ce sont des hizbiyyin, des qutbiyyin, des sururiyyin, des ikhwan. Ces gens-là, eux-mêmes ont recours à ces épîtres et ils vont les expliquer aux gens afin de les leurrer et qu'ils pensent d'eux du bien. Comme ils savent que ces livres sont précieux, donc celui qui les explique pour les gens, c'est quelqu'un yani, avec une façon de voir simpliste. C'est quelqu'un qui suit la sunna. Mais, dans leur explication, vous allez trouver qu'ils mélangent le vrai avec le faux. Et qu'ils font beaucoup de telbis. Surtout, par rapport à des sujets qui sont sensibles. Des sujets qui sont minutieux, qui demandent un certain bagage, des certaines connaissances au préalable. À titre d'exemple, dans cette risala, trois points ont été traités qui sont des points importants dans l'islam et dans la bonne compréhension et fondamentale, à savoir la notion de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Et ils vont faire sortir, et ils vont faire des choses qui ne font pas partie de l'alliance qui fait sortir de l'islam, une alliance qui fait sortir de l'islam, et inversement. Et également le sujet du djihad, qui est une adoration ayant des règles. Et pour avoir sa bonne compréhension, il faut revenir aux savants dignes de confiance. Et non pas à ces hizbiyyin qui vont appeler jihad des choses qui ne font pas partie du jihad et qui n'ont pas réuni les conditions du jihad. Comme les combats avec Daesh, combattre dans leur rang. Ou Al-Qaïda. Et ainsi de suite. Ça, c'est pas un jihad. Ça, c'est l'égarement. Qu'Allah nous en préserve et préserve tous nos frères et sœurs de tomber dans les panneaux de ces gens-là. Et ces gens-là, ils induisent les jeunes dans soi-disant ce jihad falsifié, et eux, ils ne participent jamais. Vous allez trouver que eux, ils ne participent jamais. Ni eux, ni leurs proches. Et j'en connais, ici en Arabie Saoudite, des gens qui ont cette pensée égarée, au sujet du djihad, et qui appelle les jeunes à aller en série, à aller là, et à droite, à gauche, alors que eux, ils sont bien dans leur palais. Et leurs enfants, ils les envoient étudier dans des pays occidentaux. Donc ça, c'est les pires de l'Khawarij. C'est ce que Salaf appelait Al-Khawarijou Al-Qa'adiyya. Ceux qui appellent et qui incitent les autres, mais eux, ils font rien. C'est les pires. Tous, c'est des égarés. Tout le Khawarij, c'est des égarés. Ce sont les chiens de l'enfer. Les chiens des gens de l'enfer. Qu'Allah nous préserve tous de tomber dans leur égarement et dans leur piège. Une histoire, entre parenthèses, que nous racontent certains parmi nos chouyours ici à Médine. Ils disent qu'un jeune est arrivé en série. Puisqu'il y croit qu'il est arrivé pour faire le djihad, pour, ni de par son ignorance, et du fait de ne pas revenir au savant de la sunna. Et dès son arrivée, peu de temps après, un de ses supérieurs est venu le voir, il lui a dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla t'a choisi, afin que tu sois un martyr. Et souvent, leurs victimes, ce sont des gens qui étaient dans les péchés, dans des graves péchés. Ils ont des grands remords. Et pour eux, le seul moyen de se rattraper, et pour que leur taouba soit complète, c'est de faire des actes très importants et très grands dans l'islam. Et en plus, le résultat, il est rapide. Il était dans les pires des égarements. En peu de temps, il va devenir un des meilleurs martyrs. Et donc, il lui a dit qu'Allah t'a choisi. Ce menteur lui a dit, Allah t'a choisi, tu vas faire tel acte, telle explosion à tel endroit. Et ce jeune, subhanallah, Allah lui a voulu du bien. Il lui a dit, Allah m'a choisi, je suis arrivé à peine il y a quelques heures ou là quelques jours. Il lui a dit, toi, ça fait combien d'années que tu es ici? Il lui a dit, moi, ça fait 14 ans que je suis là. Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla ne t'a pas choisi encore. Et subhanallah, c'était ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a compris l'égarement dans lequel il est tombé. Mais une fois que tu le réalises, c'est pas facile de s'en sortir. Car c'est criminel. Si t'es pas avec eux, t'es un kafir. Ils te tuent, ils font de toi tout ce qu'ils veulent. Te massacrent. Et donc, il a attendu petit à petit jusqu'à trouver l'occasion pour prendre la fuite et il les a quittés, alhamdoulilah. Également, le troisième sujet qui est abordé dans cette risala, qui demande à faire attention et à bien comprendre et à revenir aux hommes de science, si on a une choubha, si on a quelque chose, il y en a des fois ce qui se passe, c'est que le frère ou la sœur a déjà une choubha sur le sujet, qu'elle a attrapé, malheureusement, comme j'entends beaucoup, illa marrahimallah, qui tombent dans ça, même nos frères salafiyines, certains de nos frères salafiyines et nos sœurs salafiyettes, c'est qu'ils vont aller sur YouTube, sur les choses comme ça, et ils vont regarder tout et n'importe quoi. Et ça, il faut savoir. Ça, le frère, il le fait pas devant ses frères. Parce qu'il sait que c'est pas en accord avec le manhaj salafi qu'il dit suivre. Mais en cachette, il le fait. Par curiosité. Et ça, c'est la mauvaise curiosité. La curiosité que Shaitan te donne. La bonne curiosité, c'est d'aller prendre les livres des savants. De prendre les audios des savants. Et de les écouter, de les lire. C'est ça, la curiosité bénéfique. Mais des fois, la personne ne cherche même pas à regarder ces choses-là, mais tellement ces choses-là sont prêtes à égarer les gens, ils te mettent ce que tu cherches, et juste à côté, ils te mettent la chose qui vise à te faire tomber dans l'égarement, avec des titres attractifs. Qu'Allah nous préserve et nous protège. Et ça, si ça démontre quelque chose, ça démontre que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre religion. Et notre religion, nous la contrôlons pas. Notre cœur est entre deux doigts d'Allah Azza wa Jal. Il le fait tourner comme il le veut. C'est pour ça qu'il faut avoir peur pour sa religion. Il faut fuir ces choses-là. Le Nabi Aïssa sallam l'a dit, si vous entendez parler de le Masih al-Dajjal, fuyez-le. Il n'a pas dit, allez le voir. De toute manière, si vous êtes des vrais croyants, des croyants sincères, il ne vous fera pas de mal. Il a dit, fuyez-le. Et c'est ainsi que tu dois être mon frère et ma sœur, face aux fitan, face aux shubuhat, face aux shahawat. Tu dois fuir et avoir peur pour ta religion, jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azza wa Jal sur cela. Et ainsi tu seras sauvé, bi-idnillah. Donc l'hijra également, c'est un sujet qui demande une bonne compréhension. Savoir ce que c'est l'hijra obligatoire, ce que c'est l'hijra recommandé, quand est-ce que je suis excusé de ne pas faire l'hijra, et ainsi de suite. Le point suivant, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, il a intitulé cet épître Thalathatul Usul. Il a dit Al-Usul. L'Usul, comme vous savez, c'est le pluriel de Asul. C'est la base sur laquelle on va construire autre chose. C'est ça l'Asul. Et l'auteur a appelé les trois points usul. Les trois points, ce sont des usul. Et c'est une appellation juste dans le sens où sur ces trois points-là, à savoir la connaissance de ton Seigneur, la connaissance de ton prophète et de la religion de l'islam, ce sont des usul sur lesquels yani, on vient baptiser notre religion et construire notre religion. Et les savants utilisent cette appellation des fois pour désigner des choses comme ça, comme l'a fait Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il a parlé de l'unicité d'Allah et de la foi au jour dernier aux messagers, il les a appelés usulun thalatha, les trois fondements. L'unicité d'Allah et la foi au jour dernier au messager. Ce sont les trois fondements, il les a appelés comme ça, Cheikh l'Islam, ibn Taymiyyah rahimahullah. Également, Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah, quand il a parlé des trois catégories de tawhid, à savoir l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans la divinité, dans les noms et les attributs, il les a appelés les trois fondements. Donc, c'est une appellation juste, basée sur la compréhension. Après, il faut savoir qu'est-ce que l'imam il veut par cette appellation. Dans la copie la plus propagée de cette risala, vous trouvez que risala elle commence par trois introductions. Dans la première, il dit "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allamu arba'i masa'il." Dans la deuxième, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslima. Et dans la troisième, i'lam arshadakallah li ta'atihi. Ces trois introductions, vous ne les trouvez que dans la copie la plus célèbre et la plus propagée de cette risala. Et comme l'a dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dans son hashiya, que ces trois introductions ont été rajoutés par des élèves de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab. Car Thalathat al-Usul, en réalité, elle commence par quoi? Elle commence par les trois fondements, directement. Al-Asl al-Awwal, Al-Asl al-Thani, Al-Asl al-Thalith. Et ces introductions ont été rajoutées afin d'aider et de faciliter la compréhension. Si vous prenez la première introduction, c'est dans le premier point, la première introduction, il a montré des choses qui sont obligatoires pour chaque responsable. Il doit les connaître. Al-ilm, al-amal, al-da'wa, al-sabr. Dans la deuxième introduction, il a parlé de Ibrahim alayhi salam et de l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans la divinité et de l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. Et dans la troisième, c'est dans la troisième où il a parlé de Ibrahim alayhi salam. اعلم ان الحنيف اعلم ارشدك الله لطاعتي ان الحنيفيه مله ابراهيم Donc ça c'est par rapport à ces introductions et de savoir par quoi commencent les thalathat al-usul en réalité comme il l'a fait l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab et que ces trois introductions ce sont également des choses que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab a écrit mais séparées. Certains de ses élèves ont vu bénéfique et profitable de les joindre à cette risala. Et ils ont bien fait. Également, avant de finir, c'est connu que cette risala, Thalathatul Usul wa Adillatuha, elle traite le sujet de l'aqida. Et c'est une première étape dans la demande de science pour celui qui veut apprendre l'aqida. C'est une première étape dans l'aqida. Ça, c'est connu chez tous les tullab al-ilm. Et ceci est vrai. Mais il ne faut pas oublier que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab l'a fait pour enseigner l'aqida aux awam, aux petits, aux grands, et également pour celui qui veut demander la science. C'est pour ça que vous trouvez qu'avant, comme on a vu, les hommes de science, ils ordonnaient aux imams de l'enseigner dans leur mosquée, mais dès que ici en Arabie Saoudite, ils ont ouvert Dar al-Ma'arif, l'équivalent du ministère de l'éducation, ils ont introduit cette risala dans le niveau primaire. Et ça a été enseigné dans l'enseignement public, dans les écoles primaires. Donc ceci nous permet de voir, toujours ça rejoint ce qui a été vu précédemment, c'est que ça doit rester d'une manière simple et claire dans son enseignement. Et c'est pour ça qu'il faut l'adapter au public auquel elle est enseignée. L'ami, comme vous savez, il n'a pas les outils de la science. Il n'a pas acquis les bases de la science. C'est pour ça, il demande de lui simplifier encore plus les termes et de lui choisir les termes les plus simples et clairs possibles. Comme il le disait, Al-Hafid ibn al-Jawzi, rahimahullah, il disait, « Faut pas citer ou ammi ce que son cerveau ne peut pas supporter. » Il y a beaucoup de paroles de salaf par rapport à ça, des paroles de compagnons et autres. d'Abdullah ibn Mas'ud, de Ali radiallahu anhu, de ne pas citer aux gens des choses qui peuvent être source de tentation et d'égarement pour eux, car ce n'est pas de leur niveau. Donc voilà des points qui nous permettent d'avoir un aperçu global et général sur cette risala. Je demande à Allah Azza wa Jal que ça me soit bénéfique et profitable à moi, ainsi qu'à tous mes frères qui ont suivi avec nous cette soirée. Et Inch'Allah Ta'ala, il va nous rester 5 séances qu'on va faire à suivre, à la même horaire, bi'idnillah, où nous allons commencer directement la lecture du commentaire de Cheikh Ibn Baz rahimahullah sur cette risala avec un essai de traduction. Et je ne laisse pas l'occasion passer sans vous rappeler que cet effort, ça vise à permettre à nos frères l'accès à la connaissance des bases de leur religion, à savoir le tawhid, ou les règles de base de sunna, et ainsi de suite. Mais la science, ça se demande chez les hommes de science. Et la science, ça se demande en langue arabe. C'est pour ça, cet effort, parmi ses objectifs, c'est de motiver mes frères et mes sœurs afin de voyager vers les hommes de science et déjà de commencer à apprendre la langue arabe. D'apprendre la langue arabe pour arriver à accéder aux cours de nos savants directement et en profiter. Chose qui sera beaucoup plus profitable pour eux et bénéfique. Qu'Allah nous le facilite à tous. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته